Écoutez, je viens pour vous raconter l'histoire d'un monde sans peur, l'histoire d'un monde qui brave ses émotions. Bref, l'histoire d'un monde sans cœur, d'un monde dans lequel les jeunes ont à cœur d'être vaillants, d'un monde rempli d'acteurs, comme autant de preuves d'un système défaillant. Dans ce monde d'apparence, on masque nos faiblesses, on n'a plus rien de vivant, on est des marionnettes façonnées en terre glaise. Y'a plus rien qui nous blesse, on en perd notre jeunesse, on est partout pareil, que ça soit à Marseille ou dans le 93. Ici, on a tous peur, mais on ne le montre pas, on garde à l'intérieur nos personnalités, ne se rencontrent pas. On s'isole quelque part pour cacher tous nos pleurs, on dissimule nos peines en prenant des cachets prescrits par nos docteurs. Et ça me fait mal au cœur, ce monde si froid c'est nôtre. Il faut que nos verrous sautent, car c'est la peur de l'autre qui nous pousse à la faute. Et j'aimerais sincèrement que le protecteur nous sauve, même si j'ai peur d'attendre en vain l'avenue du nouvel aube. Nos peurs, leurs conséquences sont difficiles à aborder. On les passe sous silence, pourtant elles sont lourdes à porter. Depuis l'enfance, on les ressent sans pouvoir les montrer. Ça me désole quand j'y pense, c'est seul qu'il faut les affronter. On prend des risques ensemble, on vient pour vous les raconter. Ces peines, ces doutes que sur nos routes on a pu rencontrer. Si on en parle, c'est peut-être pour qu'un jour on puisse les contrer. Y'a pas de surhomme ici, la vie nous l'a tous démontré. J'ai peur parce que je sais ce que ça fait que de vivre avec peu. Quand y'en a plus assez pour un et qu'il en faut pour deux. J'ai peur de me retrouver sans un rond, sans euro, de niquer tous mes neurones, je m'en bats les couilles de l'Europe. J'ai peur pour les gens que j'aime, peur de moi-même, de mes actes, peur que le tourbillon de la vie m'entraîne. Peur de me noyer, de claquer le loyer, que par ma faute ma femme et mon gosse finissent dans un foyer. J'ai peur quand je vois des gosses agir comme des adultes. Peur de monter haut parce que plus dur sera ma chute. Peur de ne pas atteindre mes buts, peur de quitter ma famille au profit d'une belle pute. J'ai peur parce que le diable est partout, parce que la haine est palpable, parce qu'un jour on part tous, parce qu'on trouve des armes dans des cartables. J'ai peur pour nos petits frères, pour nos petites sœurs. Je redoute la guerre, ce que j'ai vu sur mon téléviseur. J'ai peur de mes pulsions, peur de ne plus savoir quoi faire quand j'aurai plus le son. J'ai peur de la mort, de la vie, de la jalousie, de l'envie. Je crains pour mon avenir, de tout faire pour y arriver mais sans y parvenir. J'ai peur qu'un toxico agresse ma mère pour se payer sa merde. J'ai peur car aujourd'hui j'ai plus à perdre. J'ai peur comme 3 millions de chômeurs car je connais pas mon heure. J'ai pris goût au bonheur. Nos peurs, leurs conséquences sont difficiles à aborder. On les passe sous silence, pourtant elles sont lourdes à porter. Depuis l'enfance, on les ressent sans pouvoir les montrer. Ça me désole quand j'y pense, c'est seul qu'il faut les affronter. On prend des risques ensemble, on vient pour vous les raconter. Ces peines, ces doutes que sur nos routes on a pu rencontrer. Si on en parle, c'est peut-être pour qu'un jour on puisse les contrer. Y'a pas de surhomme ici, la vie nous l'a tous démontré. Trop de fois quand je la ressens, j'sais pas comment vous en parler. Et pourtant elle me hante quand elle me parle en aparté. J'aimerais pouvoir l'écrire sans honte, sans finir embarqué dans des histoires n'importe. Prends du genre de celles qui me rappellent dans le quartier. Car on sait tous qu'ici c'est dur parler de ses peurs. Et pourtant elles sont dans nos vies depuis toujours dans tous les secteurs. Les acteurs comme d'art feront semblant de ne pas l'entendre. Se prétendront plus forts qu'ils ne le sont tant qu'ils seront ensemble. C'est fou comme la confiance les gagne quand ils traînent en borne. Et dès qu'ils sont tout seuls leur soi-disant force toutes elles se réduisent en cendres. Sauf ceux qui se promènent avec une arme en poche afin de désurer hommes alors que c'est le sérum. Faut pas que la mort les fauche. Ils savent que c'est la rage, ça se lit sur leur visage. Mais même une bête sauvage ici a peur de finir dans une cage. On est des êtres humains. Les mêmes devant n'importe quelle glace. Pour fuir nos sentiments en vain, on se cache derrière un masque. Nos peurs, leurs conséquences sont difficiles à aborder. On les passe sous silence, pourtant elles sont lourdes à porter. Depuis l'enfance, on les ressent sans pouvoir les montrer. Ça me désole quand j'y pense, c'est seul qu'il faut les affronter. On prend des risques ensemble, on vient pour vous les raconter. Ces peines, ces doutes que sur nos routes on a pu rencontrer. Si on en parle, c'est peut-être pour qu'un jour on puisse les contrer. Y'a pas de surhomme ici, la vie nous l'a tous démontré. Nos peurs, leurs conséquences sont difficiles à aborder. On les passe sous silence, pourtant elles sont lourdes à porter. Depuis l'enfance, on les ressent sans pouvoir les montrer. Ça me désole quand j'y pense, c'est seul qu'il faut les affronter. On prend des risques ensemble, on vient pour vous les raconter. Ces peines, ces doutes que sur nos routes on a pu rencontrer. Si on en parle, c'est peut-être pour qu'un jour on puisse les contrer. Y'a pas de surhomme ici, la vie nous l'a tous démontré.